Exercice 1, page 25. A. La boulangerie. B. La charcuterie. C. La poissonnerie. D. La boucherie. E. La laverie. F. La fromagerie.